La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et au menu de notre club cet après-midi, deux Tours de France, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le premier avec Jamie Gourmaud pour des curiosités naturelles et scientifiques, et le second avec deux jeunes archéologues, Alice Bellé et Marie Cherizet, qui sont partis explorer cinq chantiers archéologiques. Et puis enfin, nous irons également au théâtre pour découvrir une pièce, L'Équation, avec le comédien Fabio Alessandrini. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, l'organisation de nos cellules. Oui, avec une équipe française qui vient de découvrir le rôle très important du squelette interne de nos cellules, en particulier dans le développement du cancer du sein. Je vous explique dans un instant avec notre invité. Frédéric Milano réalise aujourd'hui ce club qui a été préparé par Irène Menahem avec Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Et je salue mes invités cet après-midi, Anis Bellé, Marie de Cherizet, Jamie Gourmaud, Fabio Alessandrini et Sophie Bécherel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et bienvenue, Jamie Gourmaud. Vous venez nous présenter votre tout premier livre, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, qui paraît chez Stock. Et pour ce premier ouvrage, eh bien, vous avez eu envie de nous emmener à la découverte de ces lieux, et souvent de phénomènes d'ailleurs assez spectaculaires qui montrent finalement quoi, toute la diversité de notre pays. Oui, ce que j'avais envie de faire, c'était de revenir sur des lieux qui ont vraiment compté dans mon appétence pour la science. Donc j'ai choisi des lieux soit parce qu'il s'y déroule des phénomènes naturels spectaculaires, soit parce que s'y sont déroulées des découvertes, des innovations. Voilà, donc j'ai voulu balayer, bon, le plus possible, les régions de France et les disciplines scientifiques. Et ça permet effectivement de partager la science avec le grand public au travers de tous ces paysages, finalement, que vous avez arpentés. Oui, et faire en sorte que on puisse aimer la science, pas forcément à cause simplement d'une histoire de formules mathématiques, mais aussi parce qu'il y a toujours un peu d'émotion à travers ces lieux. On va en parler avec vous dans un instant. Jamie, il y a deux jeunes archéologues avec nous cet après-midi qui sont très heureuses de vous rencontrer. Je le sais, c'est Alice Bellé et Marie de Cherizet. Elles étaient folles de joie de savoir que vous étiez dans le studio. Est-ce que vous avez regardé C'est pas sorcier, évidemment, quand vous étiez plus jeune? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a donné envie de faire de la science? Oui, ça y est, j'y ai participé. Vous n'êtes pas obligé de répondre. L'archéologie, c'est aussi votre Tour de France, puisque ce livre sort, et vous avez passé 3 mois sur le terrain avec ce carnet de voyage. On peut presque présenter le livre comme ça, Anis Bellé. Oui, tout à fait. On trouvait que le voyage était finalement un moyen un peu dynamique de parler d'archéologie. Et d'emmener le lecteur à notre suite sur le terrain. Ouais, Marie de Cherizet, c'est l'occasion donc de faire découvrir aussi ce métier, Ah oui, qui est déjà le vôtre maintenant, ça y est. Oui, ça y est, parce que depuis le voyage, on a avancé chacune. Ouais. Et donc, c'est vrai que voilà, pour nous, c'est l'occasion de parler de notre passion. Est-ce que vous avez fait de belles découvertes sur le terrain pendant ces 3 mois en France? Des belles découvertes, des belles rencontres, c'est sûr que c'était une aventure très riche pour nous deux. On va découvrir donc ce Tour de France aussi avec ses 5 sites. Et Sophie Bécherel, votre invitée de la semaine dans le club. Mon coup de cœur pour L'Équation, une pièce de et avec Fabio Alessandrini, librement inspirée d'œuvres littéraires et scientifiques. Un spectacle très maîtrisé, très réussi, courez-y vite. C'est la rêverie d'un atome solitaire du Big Bang à nos jours. Vous êtes seul en scène. Quelle idée vous a donc pris d'embrasser 13 milliards d'années en 1h10 sur scène? Monsieur l'atome, alors c'est ça? Oui. Bah, justement, je ne sais plus qu'est-ce que je suis. Je suis un atome, un photon, je ne sais plus. En tout cas, c'est peut-être la fascination pour les sciences, mais c'est surtout l'amour pour la vie qui m'a poussé à essayer de tisser un lien très très fort entre les sciences et le théâtre. C'est dans ce spectacle, c'est la première fois que je le fais. Et le résultat était, pour moi, l'espoir était de réussir à donner des moments de poésie, pas forcément de la poésie en versification, de la poésie dans l'esprit de chacun. C'est permettre à l'esprit poétique et à l'imagination du spectateur de s'exalter. Et bon, on va découvrir l'équation donc avec vous. Je sais que Sophie a beaucoup aimé ce spectacle. On va en parler. Il est à l'affiche en ce moment à Paris et puis à Avignon, hein, une bonne partie de l'été. À Paris, là, jusqu'au 28 avril. Ouais. On en parle après. Allez, on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, bien sûr, en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science, on va faire de l'architecture intérieure aujourd'hui, Axel, mais à l'échelle cellulaire. Et oui, ce qui donne leur forme à toutes nos cellules, leur permet de s'organiser, leur donne de la tenue ou même les aide à se déplacer. C'est ce qu'on appelle le cytosquelette, une sorte de grillage moléculaire modulable qui se déploie dans l'ensemble de nos cellules. Et aujourd'hui, une équipe de recherche de l'École Polytechnique montre que ce squelette joue un rôle très important dans le développement du cancer et dans sa prolifération. C'est une piste de recherche très intéressante et on en discute avec vous, Alexis Gautreau. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas architecte d'intérieur, mais vous êtes biologiste cellulaire et directeur de recherche pour le CNRS au laboratoire de biochimie de l'École Polytechnique. Alors j'en ai fait une description assez sommaire. Comment est-ce qu'il faut l'imaginer, ce cytosquelette qui vous intéresse tant ? C'est des fibres qui vont architecturer la cellule, qui vont la soutenir. Et en fait, c'est des fibres qui sont caractérisées par une très grande plasticité. Donc, même quand la forme a l'air fixe, parce que la cellule assure toujours une fonction qui correspond, je sais pas, une cellule intestinale qui va absorber, donc qui fait des replis membranaires pour augmenter sa surface d'échange. En fait, c'est en perpétuelle reconstruction, c'est en perpétuelle destruction et reconstruction. Donc, c'est vraiment... C'est un grillage, oui, mais en perpétuel remodelage. Donc c'est un grillage dont on peut modifier la forme, la taille très facilement. Exactement. Alors, quel est le lien avec le cancer, puisque c'est votre publication, c'est ça, dans la revue Cell Research. À quel moment ce squelette joue un rôle dans la maladie ? Effectivement, c'était... Alors, il y avait déjà des choses établies, évidemment, on n'a pas tout inventé. Par exemple, son rôle principal à ce squelette de la cellule, c'est de générer la force qui permet de propulser la membrane et donc de faire avancer la cellule. Donc, dans la migration, c'est critique, et dans la formation des métastases, dans le cas d'un cancer, on savait déjà que c'était critique. Nous, on a pu lui attribuer un rôle beaucoup plus précoce. Alors, ce rôle précoce, c'est le tout début d'un cancer, le moment où la cellule, on va dire, dégénère. Et ça, c'est lié à des moments où à ce qu'elle sent autour d'elle. Alors, c'est ce que vous dites. Ça veut dire quoi, sentir pour une cellule ? Alors, exactement. Il faut imaginer que la cellule, en fait, va devoir prendre une décision. Et cette décision, elle va la prendre de manière informée. Est-ce qu'elle va proliférer ? Ça veut dire, est-ce qu'elle va commencer un nouveau cycle de duplication ou est-ce qu'elle ne va pas y aller ? Et pour faire ça, sa décision va être informée par son environnement au sens large. Donc ça peut être des facteurs de croissance, des hormones qui sont solubles, mais ça peut être aussi des signaux mécaniques où en fait elle va sentir la résistance de son environnement direct, la résistance due à la matrice du tissu, la résistance due aux cellules voisines. C'est tout ça qu'elle va sommer, qu'elle va intégrer pour prendre une décision informée de proliférer. Et toutes ces sensations dont vous parlez, c'est là qu'intervient le cytosquelette, c'est lui qui sent tout ça. Ben exactement, c'est ça qu'on a trouvé. Ouais. Alors comment est-ce que vous avez fait pour démontrer ce rôle qui, pour le coup, est très nouveau ? En fait, on s'est aperçu, l'observation de base a été très simple, que si on bloquait alors une particularité de ce squelette de la cellule, c'est qu'il y a différentes fibres, et nous, c'était les fibres branchées spécifiquement, et la spécificité est importante. En fait, si on bloquait la production de fibres branchées, une cellule normale qui n'est pas cancéreuse, elle s'arrête tout de suite. Jamais elle va rentrer dans le cycle, jamais elle va proliférer. En revanche, les cellules cancéreuses, et l'énorme majorité des cellules cancéreuses, toutes celles qu'on a testées, sont complètement insensibles au traitement et continuent de proliférer. Et sur quel cancer est-ce que vous travaillez particulièrement ? Nous, on a particulièrement défriché le cancer du sein, mais en fait, on s'est aventuré dans d'autres cancers et ça a l'air de marcher de la même manière. Est-ce que ce processus de dégénération de la cellule, il est inéluctable ou est-ce qu'il y a des retours en arrière parfois ? Non, a priori, il n'y a pas vraiment de retour en arrière parce que malheureusement, le processus de cancérisation, il est codé en dur par des mutations dans l'ADN. Donc, Non, ça marche pas. Il y a une deuxième partie dans les travaux que vous publiez, Alexis Gautreau, c'est qu'il y a des applications assez directes à ce que vous venez de découvrir, comme par exemple éviter des chimiothérapies inutiles. Expliquez-nous, ça c'est aussi très intéressant. Oui, en fait, ça c'est le rôle pronostique. On s'est aperçu que dans les cancers du sein en particulier, il y avait dans les tumeurs les plus invasives, ça on l'a montré avec des cliniciens de l'Institut Curie, qui avaient constitué une cohorte il y a plus de 30 ans de patientes atteintes de cancer du sein. On a pu montrer que chez les patientes qui malheureusement étaient décédées tôt, il y avait surexpression des machineries qui faisaient les fibres branchées qu'on étudiait. Donc en fait, ce rôle pronostique, il est important parce que grâce à la mesure du gène spécifique qui fait ces fibres branchées de la périphérie de la cellule, on va pouvoir donner une indication très claire de est-ce que la personne va avoir un bénéfice à recevoir une chimiothérapie. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire un simple test pour savoir si une chimiothérapie est utile ou pas après l'opération. Exactement, c'est faire un test moléculaire plutôt que de faire un test qui se faisait jusque-là essentiellement de manière anatomopathologique, c'est-à-dire sur la forme des cellules. Et ça, vous l'avez testé et démontré directement, ce test fonctionne, enfin en tout cas sur la cohorte que vous avez testée. Absolument, oui. La mesure est extrêmement précise. On a un indicateur très fiable avec un gène unique, qui est une mesure très fiable de savoir si la tumeur va faire des métastases ou non. Alors, il y a une deuxième application un peu plus lointaine, mais qui concerne un autre type de cancer, c'est le mélanome. Là aussi, ces fibres branchées dont vous parlez peuvent être intéressantes, en particulier pour un cas très précis de cancer. Exactement. Dans la plupart des cas, en fait, la cellule cancéreuse se fiche du niveau de fibres branchées qu'elle a. Et donc, en fait, on n'a pas d'intérêt thérapeutique à bloquer la production de fibres branchées. Mais dans un cas particulier, une des mutations qu'on évoquait tout à l'heure va activer un des gènes maîtres qui va produire plus de fibres branchées. Et dans ces cas-là, ça nous a mis la puce à l'oreille qu'il pouvait y avoir un avantage à bloquer leur production. C'est ce qu'on a fait avec des inhibiteurs. Et on bloque très précisément, très efficacement, dans le cas de mélanome cutané, la prolifération des cellules cancéreuses. Et ça concerne quand même 5 à 10% des patients. Donc c'est important. Donc des pistes évidemment intéressantes. Merci beaucoup Alexis Gautreau sur la structure donc, de ce squelette cellulaire. On était beaucoup à ignorer en tous les cas et ses implications donc dans le cancer. Merci d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science. Et puis Axel, on se retrouve lundi. À lundi Mathieu. Allez, le club dans un instant. Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide. Perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent. Toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées. S'élançant comme une rivière, pressé de rejoindre son cœur. Comme un marin sur une plage. Voyou Yel, c'était les bruits de la ville. La tête au carré, le club. Voilà nos invités qui sont déjà partis en grande discussion dans ce club où nous allons faire deux tours de France aujourd'hui pour découvrir des curiosités scientifiques et archéologiques. Et puis donc l'équation, une pièce de théâtre inspirée par la science. Et vous pouvez nous rejoindre bien sûr avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Jamy Gourmaud, on commence avec vous à l'occasion de la sortie de ce livre, Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques qui paraît chez Stock. Déjà numéro un des ventes de livres scientifiques. Bravo à vous. Je ne le savais pas. Eh bien, on peut vous le dire. Il suffit de regarder sur Amazon pour s'en apercevoir. Et dans cette préface, vous citez une expression, je trouve, qui vous va comme un gant, c'est le gai savoir, justement. Ça fait référence à plein de choses. Mais c'est vrai que ça vous va bien, ça, le gai savoir. Bah oui, c'est une sorte de sentiment. Vous savez, quand on apprend quelque chose et que ça provoque un épanouissement. Alors, ça provoque cet épanouissement non seulement parce qu'on l'apprend, mais parce que d'un seul coup, ce que vous venez d'intégrer va vous permettre de comprendre plein d'autres choses, de faire des ponts entre toutes les connaissances que vous avez déjà acquises. Et moi, je trouve ça merveilleux. Voilà, de créer ces ponts entre toutes nos connaissances, c'est ce qui nous permet sûrement un petit peu de penser, de raisonner, ouais, d'argumenter. Oui, et puis vous avez eu le plaisir aussi de le partager avec le plus grand nombre quand même, parce que la télévision est un canal ultra puissant pour justement faire partager ce gai savoir aussi finalement. Ben oui, parce que mais ça c'est un truc très personnel. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir quand j'apprends quelque chose. Mais j'ai beaucoup de mal à le garder pour moi. Alors j'ai envie de restituer, évidemment, cette connaissance, mais je veux aussi restituer le plaisir que j'ai eu à l'acquérir. Pourquoi ça fait du bien, finalement, d'apprendre de la science? Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu de cet ordre-là, hein, finalement. Oui, je crois qu'il y a, il y a un double... C'est parce que ça fait fonctionner notre cerveau, non? Il y a un double effet qui se coule. Ouais. Il y a d'abord un truc... je viens d'apprendre quelque chose, comme si j'étais allé aux champignons. C'est un peu ça. Je vais aux champignons, je ne sais pas ce que je vais ramasser. Voilà. Mais je tombe sur les bons champignons. Je remplis mon panier. Je suis content parce que mon panier est rempli. Ouais. Mais après, je vais les déguster. Je vais les préparer. Absolument, ouais. Et avec la connaissance, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même chose. Ouais. Voilà. On attrape, on pioche. Et puis, ce que je disais à l'instant, c'est que tous ces éléments vont permettre de faire des ponts entre les différents éléments de notre connaissance que nous avons acquis comme ceci au fil des années depuis notre enfance, depuis l'école jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Sophie, il y avait des gros champignons dans le panier de la science cette semaine quand même. C'était chargé. Les gars, le trou noir et une nouvelle espèce. C'est ça, c'était très chargé, mais c'est incroyable ce qui s'est passé cette semaine C'est extraordinaire. Et ce que je trouve de fabuleux avec l'observation du trou noir, c'est à un moment donné de voir quelque chose que l'on n'avait jamais vu, que l'on avait imaginé, que l'on avait simulé, et d'un seul coup s'apercevoir, je pense à Jean-Pierre Luminet qui avait qu'il avait dessiné il y a 40 ans, 1979, et s'apercevoir que ce que l'on a imaginé correspond à la réalité. Mmh. Et de voir quelque chose que l'on n'a jamais vu, il y a un vrai déclic là. C'est une espèce de sensation. Moi, ça m'a fait penser, c'est un chapitre que j'évoque dans le bouquin, enfin un sentiment que j'évoque dans le bouquin, ça m'a fait penser au frère Montgolfier. Vous allez me dire, quel point commun entre le trou noir et les frères Montgolfier. C'est de voir la Terre autrement déjà. Ouais. Exactement, mais se dire que avant Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande, personne n'avait vu la Terre depuis le ciel. Mmh. Et aujourd'hui, on prend tous l'avion, on se retrouve à côté d'un hublot, où on voit la Terre s'éloigner, on s'aperçoit que notre campagne ressemble à un mouchoir à carreaux. Ça n'émeut presque personne. Mmh. Mais se dire que le 21 novembre 1783, il y a deux hommes qui, pour la première fois, vont découvrir cela, c'est extraordinaire. Parce que depuis le début de l'humanité, l'homme regarde les oiseaux et n'a qu'une seule envie, c'est de voir le monde comme les oiseaux le voient. Et là, ces deux hommes vont être les tout premiers de l'histoire de l'humanité à voir notre Terre d'en haut. Ils nous emmènent où d'ailleurs dans ce Tour de France, alors Jamy, précisément, tous ces acteurs-là de... Alors on va en Ardèche avec les frères Montgolfier, on passe par Paris bien sûr, mais on va à Marseille avec le savon de Marseille, on va dans les Pyrénées, à l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre. Ouais. On va en Bretagne avec le radôme de Plomeur-Baudoux. On va dans le Nord, on va même en Vendée. qui est mon pays natal. Bah, c'est même par là que vous commencez. Hein. C'est exactement. C'est le premier chapitre, évidemment, pour parler de l'aube vendéenne. Tout à fait. C'est ça, ouais. En fait, j'avais envie de parler de la couleur du soleil quand il se lève ou quand il se couche. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de ce ciel, de ce soleil rouge, on pense systématiquement au coucher du soleil. Alors évidemment, parce que ça évoque plein de choses, un coucher de soleil, c'est ce que je dis. C'est très romantique, un coucher de soleil. Mais il se trouve que, personnellement, je préfère le lever du soleil. Parce que dans le lever du soleil, d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire, hein, les promesses de l'aube, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ce lever du soleil, moi je l'ai vu pour la première fois quand j'étais tout petit, parce qu'il se trouve que je suis originaire de Vendée, que j'allais souvent en vacances au bord de la mer, dans le marais vendéen, et que j'ai un papa et des frères qui adorent la pêche, et on se levait donc aux aurores pour aller c'est l'heure des pêcheurs, pêcher, hein, l'heure des pêcheurs, c'est ce que je dis, ouais. Et je voyais ce soleil se lever, non pas en regardant, alors quand on parle de la couleur du ciel, on regarde très souvent vers l'ouest, vers la mer, mais le matin on regarde vers l'est, vers les terres. Ouais, et alors c'est l'occasion justement de parler, quand on va comme ça regarder l'aube, du soleil effectivement, mais aussi de la vitesse de la lumière, enfin voilà, c'est ces prétextes-là que vous utilisez pour nous donner de la science. Mais parce que ça part toujours d'une observation, de quelque chose que l'on vit, on peut voir le soleil se lever comme ça et puis l'admirer, c'est déjà très bien. Mais je trouve que quand on essaie de comprendre, eh bien c'est encore plus beau. Quand on comprend ce qui génère ce que l'on considère comme magique, ces changements de couleur. Quand on comprend comment ça s'opère, quand on sait que c'est dû à la vitesse de notre Terre qui est en rotation et que ça change très vite parce qu'à l'endroit où se déroule cette action, eh bien, on se déplace à 1100 km par heure. 1700. Voilà, alors 1700 à l'équateur. Ouais. Mais quand on est au 46e parallèle, c'est 1100. Voilà. Ouais, en Vendée, c'est 1100. C'est vrai. Voilà. Et donc, on va très vite. C'est pour cette raison que les couleurs change très vite. Fabio Alessandrini, est-ce que justement cette image de trou noir, là, vous pourriez la mettre dans votre spectacle? Parce que franchement, là, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup, non? Alors, le trou noir, c'est trop facile de dire que ça m'a toujours fasciné, mais c'est vrai. Et Stephen Hawking m'a toujours accompagné dans cette fascination, et je lui dois beaucoup. Dans le spectacle, on a Stephen Hawking, on a des passages autour du trou noir, et justement, tout est basé sur l'imagination. Le spectacle est basé sur l'imagination. Et en parlant du trou noir, je me disais que peut-être le premier trou noir que j'ai connu, c'est le plateau de théâtre. Cette espèce de trou... D'où rien ne s'échappe. Qui capture, qui magnétise l'attention d'un public en attente, dans le silence, dans le noir, dans l'obscurité, et qui restitue, parce qu'on peut imaginer aussi des trous de verre et des fontaines de lumière, donc des trous blancs derrière, qui restituent tout. Donc le spectacle, c'est une restitution d'une énergie que le spectateur nous donne. On le métabolise, on le transforme, on donne la voix à des choses qui ne sont pas là et on le rompt. Ouais. Et ce qui est formidable, Jamy Gourmaud, finalement, c'est le perpétuel renouvellement aussi de la science, parce que c'est en changement constant, en réalité. On le voit bien dans cette actualité hyper riche, là, cette semaine, mais c'est ça aussi. Hein. Et c'est pour cette raison que nous sommes tous là aujourd'hui. Parce que si ça s'était arrêté à un moment donné, eh bien, une fois qu'on a raconté une première fois l'histoire, eh bien... tout s'arrête. Ouais, vous êtes allé sur la route des dinosaures là aussi pour nous raconter comment était la France il y a des dizaines de millions d'années. Alors effectivement, il y a un chapitre qui se déroule du côté entre Carcassonne et Perpignan dans la haute vallée de l'Aude à Esperanza. Ouais. Esperanza. Il faut dire aux Français que c'est un site exceptionnel à l'échelle mondiale d'ailleurs. Hein, complètement. Pour la découverte des dinosaures. On y a retrouvé donc des fossiles de dinosaures et on a pu reconstituer des dinosaures entiers. Lorsque ce site a été découvert, il figure toujours parmi les gisements les plus importants de la planète. Et donc, c'est très récent, hein, parce que ça date de la fin des années 80. Ouais. Depuis très longtemps, à cet endroit, eh bien, il y avait des amateurs qui venaient, qui ramassaient quelques petits bouts d'ossements, comme ceci. Et puis, bon, on savait que c'était des fragments de fossiles de dinosaures, mais bon, ça s'arrêtait là. Et puis, au début des années 80, on a commencé à trouver des morceaux un peu plus gros. Ça a intrigué quelques paléontologues parisiens qui sont allés y faire un tour. Donc, Jean Leleuf, voilà, qui a découvert le premier dinosaure. Il est arrivé au mois de décembre 1988. Il se balade dans la campagne. Il y a une vigne qui a été délaissée. Il demande au propriétaire s'il pouvait faire un sondage. Le propriétaire accepte. On fait venir une pelleteuse. Vous imaginez cette pelleteuse qui arrive avec son godet qui se plante dans la terre. Mmh. On retire un premier godet, un deuxième, et au troisième ou au quatrième, Jean Leleuf voit dans le godet, espèce de chose là qui dépasse, c'est un fémur de dinosaure. Voilà. Un fémur entier. Et il fait combien de mètres alors quand on met tout bout à bout? Quand celui-ci a été reconstitué, il fait 12 mètres. Ouais. Voilà. Alors, il y a plus gros, mais c'est quand même, c'est quand même un... Certains peuvent atteindre 40, hein, c'est ça. Hein, exactement. Dans cette espèce-là. C'est absolument. C'est la famille des titanosaures. C'est ça. Donc, c'est Diplodocus. Donc, on voit un petit peu les je vais pas dire des monstres, parce que ceux-ci étaient plutôt pacifiques, hein. C'était des herbivores. Ben alors, non seulement il va découvrir ce gisement, mais en creusant le sol, en mettant à jour tous ces fossiles, ils vont s'apercevoir que c'est une espèce qu'on ne connaît pas. Ouais. Voilà. Donc, non seulement on découvre, dans le sud de la France, l'un des plus beaux gisements de la planète, et en plus, on y découvre une nouvelle espèce de dinosaure. Depuis, on en a trouvé d'autres. C'est ça. Et ce que je trouve, moi, extraordinaire, c'est que... mais là, on va en parler avec l'archéologie, c'est que tous ces fossiles, bien... ce sont des témoins silencieux, mais que justement les archéologues vont faire parler. Et ils nous racontent l'histoire de notre planète. Et là, en l'occurrence, de ce petit bout de la France, il y a 72 millions d'années. Est-ce que vous êtes resté en France métropolitaine ou vous avez fait sortir un petit peu le... Alors, je suis sorti un petit peu, hein, je suis allé à La Réunion. Voilà, pour parler de Vanille particulier. Hein, tout à c'est fait. Ça, tout absolument. Ouais. Jamy Gourmaud, ce livre est paru, Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, c'est chez Stock. Et puis, on vous voit lundi aussi pour une spéciale du monde de Jamy. Absolument. Vous serez dans les airs, justement, comme vos amis montgolfiers. Tout à fait, consacré à la conquête de l'espace. C'est une émission qu'on a tournée avec Thomas Pesquet. Je le souligne parce que Thomas Pesquet est quelqu'un qui est très très occupé, très pris, mais il a accepté de consacrer du temps. On a passé plusieurs jours avec lui pour tourner cette émission. Vous avez fait le vol en apesanteur. On a fait un vol allongé. Et alors, c'est comment? Ça donne envie. Vous l'avez fait, vous, Sophie, ou pas? Oui. Et alors c'est inoubliable. Ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de ne pas être malade. C'est vrai. Inoubliable. Et Jamy, alors ça s'est quand même passé alors comment? Alors moi, ça s'est très très bien passé. Et justement, ce que je trouve fabuleux dans cet exercice, c'est que à chaque fois que l'on fait quelque chose d'exceptionnel, on convoque tous nos sens. On cherche la chaleur quand on s'approche d'un volcan, les parfums, les odeurs. Et là, au moment où il y a la fameuse injection, eh bien, on est en apesanteur. Justement, on ne ressent plus rien. C'est-à-dire que cette sensation de pesanteur que l'on a tous depuis que l'on est né, qui se manifeste dans tout ce que l'on a autour de nous, là, vous tournez les pages d'un livre, c'est avec la pesanteur, eh bien, d'un seul coup, cela... Tout ça s'arrête. Et vous avez votre bras qui part comme ça. Vous dites, mais comment je fais pour le récupérer? Vous êtes obligé de commander à votre cerveau de faire le geste. On va vous voir donc dans cette expérience inédite avec Thomas Pesquet. Donc ça, c'est lundi soir sur France Absolument. 3 à partir de 21h. Et en attendant, ce week-end, on peut lire Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. C'est chez Stock. Dans un instant, on part au théâtre. Everyone does their thing a little bit differently. Everyone does their thing a little bit differently. Oh, every man does his thing a little bit differently. Every man does his thing a little bit different. Differently, c'était Alani. La tête au carré, le club. Sophie Becherel, votre coup de cœur de la semaine. Donc pour cette pièce, hein, l'équation écrite et jouée par Fabio Alessandrini. Alors d'où vous est venue, d'où est née l'idée de cette pièce pour laquelle vous êtes allé chercher chez des auteurs, à la fois des scientifiques et des hommes de lettres? Alors ça remonte à loin, ça remonte à mes expériences d'étudiant qui n'étaient pas très très bonnes en matière scientifique. Bienvenue au club. Un peu de mal. Bienvenue. Mais j'étais très fasciné par quelque chose qui me paraissait avoir beaucoup de poésie à son intérieur. Et je n'arrivais pas à la reconnaître, à la retrouver. Et le théâtre m'a permis, à un moment donné, de commencer à tisser des ponts, des liens entre des matières qui, dans ma formation, n'étaient pas connectées. L'histoire, la littérature, les sciences, la philo. Petit à petit, j'ai commencé à créer un monde, comme vous disiez, hein, de tous ces mondes qui se connectent. Et ça a été très important et ça m'a permis de faire des spectacles sur des thèmes différents. Et là, c'était la foi, c'était le cas pour les sciences. Sauf que vous êtes allé chercher des textes difficiles d'Einstein, de Stephen Hawking, Michel Cassé, de Kafka, donc c'est j'ai pas simple au départ. Mes neurones, j'étais mort, je ne comprenais plus rien, je me retrouvais comme dans une sorte de labyrinthe quantique, je ne comprenais plus rien. Mais j'avançais, petit à petit j'avançais. Et cette sensation, je me disais, mais c'est peut-être la sensation de n'importe qui, Monsieur Dupont, Madame Dupont, qui sont au théâtre, qui ne savent pas de quoi je parle, c'est une vulgarisation exigeante et peut-être oui, exigeante et populaire et drôle parfois, parce qu'il faut quand même, à travers le rire, on ouvre nos pores, les pores de notre cerveau s'ouvrent et reçoivent plus facilement. Donc la recherche a été basée sur des écritures, des écrits de Hawking, de Einstein, et après de Michel Cassé. Et d'autres scientifiques, Feynman, qui était un monstre du quantique. Et c'est le premier qui a dit, il y a un tas de place. Il a regardé les cellules, il dit, mais il y a un tas de place là-dedans, c'est incroyable ce qui se passe dans une cellule. Oui, vous avez dit un mot génial. Vous avez dit, la vulgarisation est exigeante. Oui. C'est parfaitement juste, parce que pour faire passer justement la poésie que vous évoquez, il faut être très exigeant. Il faut être très exigeant pour avoir compris, conceptualiser ce que l'on veut raconter pour trouver ensuite les mots qui vont permettre justement de faire de la poésie avec toute cette complexité. Il faut bien savourer les champignons qu'on a trouvés. Bien les métaboliser et ensuite les transformer en poésie. Ça a dû être extrêmement difficile, l'écriture de ce texte, parce qu'il est extrêmement fluide. Vous êtes donc seul en scène et vous nous racontez en gros, hein, voilà, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, la théorie de l'évolution, la nanotechnologie, des choses incroyables. C'est d'une fluidité, c'est pas du tout pédagogique, il y a beaucoup de poésie, de réflexion philosophique, par quoi, comment vous êtes arrivé à ce résultat? Le résultat, c'est le théâtre qui m'aide beaucoup, et ce sont deux grands maîtres de littérature, c'est Franz Kafka et Italo Calvino, c'est des maîtres injoignables, et ils ont écrit des nouvelles qui m'ont passionné, et c'est grâce à ces nouvelles que j'ai pu avoir cette idée, une nouvelle de Kafka, un compte rendu pour une académie. Et je suis parti de ce singe pour après aller très loin. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'était ce singe avant d'être singe, et surtout, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Parce que Kafka a écrit ce paradoxe incroyable d'un singe qui est capturé et qui fait toute l'évolution de Darwin en 3 ans, 5 ans. Et il arrive à entrer à l'académie. Donc pour Kafka, c'est le moment où le singe entre à l'académie. Et je me suis dit, mais... Et après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Donc je me suis lancé dans quelque chose de très actuel. Mais ce singe a une mémoire. Alors, une mémoire qui n'est pas intellectuelle, c'est une mémoire, moi je l'appellerais une mémoire cellulaire. J'écoutais le monsieur tout à l'heure qui parlait des squelettes cellulaires, c'était très très fascinant ça aussi. En réalité, nous, dans nos cellules, nous avons tout. Nous avons des rails. Et il nous a dit le nom... Microtubules. Et c'est génial. Les infos passent sur des rails. On a des rails dans les cellules. Et moi, Et donc, je parle de ça dans le spectacle. Il y a des cellules qui marchent, ont des jambes, des filaments, avec des pieds. Elles marchent comme nous. Et elles font un travail. Elles montent, ouais. elles démontent. Donc, je passe de l'un à l'autre. Et Kafka, donc, c'était pour revenir au... Parce que c'est un peu quantique, le spectacle. Je saute d'une chose à l'autre, mais il y a un fil très clair. Bah, apparemment, on arrive bien à vous suivre. C'est extrêmement construit, maîtrisé. Et après, c'est aussi une passion. Moi, j'ai un principe que j'applique à tous les spectacles que je monte, c'est le principe de la punaise sous la fesse. Ah, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que pour moi, le spectateur n'a pas le droit de s'ennuyer, de s'endormir. Il faut absolument qu'il soit toujours comme ça, comme un poisson qui est... Et maintenant, il y a une suspense. Donc, cette punaise qui travaille, et c'est à moi de l'alimenter. Voilà. Amenez vos coussins, alors, pour le spectacle. Méfiez-vous. Alors, vous allez quand même nous dire un extrait du spectacle, parce qu'on a aussi face à nous quand même un acteur exceptionnel. Vous avez un visage extrêmement expressif. Et puis là, le bing-bing, la punaise. Non, mais c'est vrai, vous nous embarquez dans le trou noir et vous ne nous lâchez plus. Donc, est-ce que vous pouvez donc dire un extrait du spectacle qui tire aussi parfois vers la poésie? Oui, alors, si ça tire par la poésie, c'est peut-être un extrait qui ne parle pas de trou noir, qui parle d'il y a 4 milliards d'années, c'est-à-dire il y a un personnage, on ne sait pas si c'est un personnage humain ou en fait c'est une entité, parce qu'il y a 4 milliards d'années la Terre n'avait pas de surface, donc il y avait des explosions de mercure qui giclaient partout, il y avait des tourbillons de nickel, de plomb, des océans, des tsunamis. Il y a ce personnage qui on a du mal à l'imaginer, qui court sur et il est amoureux de Voog, cette entité numéro 2 qui parce qu'il y a des noms bizarres dans le spectacle, oui. C'est des formules, Madame PHN Kaukaré, Monsieur Peber puissance moins, c'est égal zéro, en fait, c'est... Et donc, Voog court, et elle est à l'aise, et lui, il court après, et à un moment donné, Voog l'appelle, il dit, mais viens, dans le bois, viens. Les cristaux d'argent étaient des arbres filiformes, avec des ramifications à angle droit qui rendaient dense la végétation géométrique de la forêt. Viens par là, c'est encore plus beau, or, vert, bleu. Une vallée de béryl s'ouvrait à nous, entourée de collines aux mille couleurs, de l'aigle marine à l'émeraude. Et pour rejoindre vous, que je me lançais à tue-tête, à bout de souffle, sur des parois lisses comme des miroirs, je glissais, je m'accrochais aux coins qui coupaient comme des lames. Et comme par magie, me revoilà, à côté d'elle, souriante. Et sous nos pieds, fleurissaient les rubis. Je rêvais d'un monde de cristal. Un diamant unique surgissait devant nous. J'étais impatient que la Terre se sépare une fois pour toutes de ce chaos de poussière de gaz et que le diamant, moi, se fonde enfin avec le diamant, elle, pour que nous devenions une seule chose avec le diamant monde. Bon, quand je sors du bureau, aujourd'hui, c'est différent, hein. Je vais devant les joailleries, je regarde un peu les vitrines et ils sont là, devant moi. Les diamants, fragments de notre royaume perdu. Alors mon imagination les libère parce qu'ils gisent prisonniers dans des petits cercueils en velours, enchaînés dans l'or et l'argent. Ma mémoire leur rend la dimension des montagnes, de jardins, de lacs. J'imagine l'ombre bleutée de Voog qui s'y reflète. Et je m'arrête là parce que sinon après je vous dis trop. Et on va aller vous voir, on va aller vous voir au théâtre de la Reine Blanche. Voilà, Jamy disait que la chimie pourrait être un thème, enfin s'adapter au théâtre. Et tout à l'heure, vous étiez fasciné en entendant un biologiste. Ça vous a donné envie de creuser là des disciplines scientifiques, le travail avec ses auteurs. Ça donne envie parce que le monde cellulaire est incroyable, l'infiniment petit et l'infiniment grand, et nous au milieu là comme ça, à se demander, à regarder les étoiles, c'est génial, c'est magnifique tout ça. Donc Sophie, c'est en ce moment au théâtre de la Reine Blanche à Paris, donc jusqu'au 28 avril, du mercredi au dimanche. Le dimanche, c'était en matinée. Et après, ce sera le Festival d'Avignon cet été. Voilà, Fabio Courrez-y. Alessandrini dans l'équation en ce moment, donc à Paris. Merci beaucoup, vous restez avec nous dans un instant. On s'offre un tour de France, un autre, mais archéologique celui-là. J'avais 14 ans et c'était l'été. Je sortais la nuit, je voulais danser. Je sortais en douce, les cheveux crêpés. J'avais 14 ans et j'aimais danser. Je sortais la nuit quand tout le monde dormait. C'était les 80s et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. On était une bande, on allait danser. Sous le ciel étoilé, on était heureuses et très maquillées. J'avais 14 ans et c'était l'été. Je sortais la nuit quand tout le monde dormait. C'était les 80s et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. C'était Barbara Carlotti avec cet album qu'elle a conçu entièrement autour de la thématique du sommeil. Et justement, Barbara Carlotti sera notre invitée jeudi 18 avril prochain pour la prochaine et dernière conférence consacrée au cerveau et dont le thème sera justement le sommeil. Et avec nos invités, le neurologue Lionel Nakache et d'autres scientifiques, Barbara Carlotti sera là également avec nous. Si vous souhaitez assister à cette dernière conférence, elle est en direct du studio 104 de la Maison de la Radio. C'est déjà complet, mais heureusement, vous pouvez vous rendre dans les salles de cinéma partout en France pour nous suivre en direct. Il suffit de prendre vos places sur franceinter.fr et trouver la salle de cinéma près de chez vous. C'est donc jeudi 18 avril, c'est la semaine prochaine. La tête au carré, le club. Et nos dernières invitées, Annelise Bellé, doctorante en archéologie, et Marie de Cherizet, archéologue de terrain, toutes les deux pour nous présenter Archéotour, un tour de France de l'archéologie aux éditions Fedora. On s'était déjà vu d'ailleurs au micro de la tête au carré, hein. Vous étiez venu. Et oui. Vous étiez rentré d'ailleurs déjà de votre petit tour. Vous étiez on était en train de terminer en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Hein. Donc on était dans le vif du sujet. Exactement. Et là depuis, ben, vous avez pu rédiger ce carnet de voyage puisque vous l'avez imaginé vraiment comme un objet emporté un petit peu partout pour à la fois raconter ce qui vous est arrivé sur ces 5 chantiers de fouilles, mais également nous dire à quoi ressemble ce métier d'archéologue et le terrain en particulier. Annelise Bellé. Oui, tout à fait. Le métier dans toutes ses facettes, à la fois, enfin, le côté très terrain, boue, poussière, ouais. Les outils, mais aussi le parcours, comment est-ce qu'on devient archéologue, les techniques, comment on travaille sur le terrain. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment un carnet qu'il faut emporter, puisqu'à la fin, notre éditeur a eu bonne idée de rajouter quelques pages pour faire votre propre tour. Il y a quelques pages à remplir. On donne un peu des indices pour aider à remplir cette partie-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'amateur, on peut se rendre sur un chantier de fouilles et puis aller gratter la poussière avec vous? Oui, tout à fait. Oui. Les chantiers de fouilles sont ouverts à tout le monde. Alors, faut trouver un chantier où on accepte les débutants, mais il y en a pas mal. Et vous mêlez aux archéologues, aux étudiants et tester. Oui, je pense que c'est le meilleur moyen de se rendre compte du terrain. Ouais. Attention, vous allez avoir Fabio et Sandrini qui va débarquer. comme ils s'intéressent à tout. Ah oui. Hein, oui, ils risquent d'arriver. Je vais chercher tout de suite quelque chose. Alors, il faut aimer faire le ménage, hein, comme Fabio, hein, parce que c'est quand même le propre du métier d'archéologue, hein, c'est de tout dépoussiérer, hein, et de faire le propre, justement. Exactement, parce que avant de trouver les belles choses, il faut enlever des tonnes de terre. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est une grande partie du terrain. Donc, on a essayé de raconter ça. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, en fait. Souvent, on a le côté idéalisé du métier d'archéologue. On a trouvé le dinosaure magnifique la cité enfouie. Voilà. Et en fait, il faut s'armer de patience pour tout ça. Mais ça fait peut-être partie aussi de la beauté de la découverte quand on est soi-même en train de chercher et qu'on attend tout ce moment, qu'on a toutes les phases préparatoire où on doit effectivement faire ce nettoyage du terrain. Et tout d'un coup, en fait, moi je me rappelle sur la maison du néolithique, une maison qui faisait 50 mètres de long, à quel endroit, à Lourès-Roche-Meunier, près de Saumur. Et bien, le moment où on a découvert, parce qu'on a passé une semaine entière à dépoussiérer vraiment à la balayette, donc vous imaginez, sur 50 mètres de long, c'est énorme. Et tout d'un coup, en fait, en prenant un peu de hauteur, on a découvert le plan de la maison, comme ça, c'était quasiment du noir sur blanc, en fait. Et là, c'était une sensation incroyable. Et du coup, à partir de là, on se pose plein de questions avec les archéologues, c'est passionnant. Jamy ? Mais j'ai l'impression que c'est une sensation à tiroir, parce qu'effectivement, vous découvrez... Vous parliez à l'instant de belles choses. Qu'est-ce que vous appelez une belle chose ? Alors, une belle chose pour un archéologue, c'est pas forcément une belle chose pour le... C'est pas un objet de musée, forcément. Non, voilà. C'est vrai que souvent, quand on en parle avec quelqu'un qui connaît pas particulièrement l'archéologie de terrain, on va nous demander si on a trouvé un trésor. Et alors, moi, je suis un peu embêtée la plupart du temps parce que moi, je trouve des fosses, des petites pointes de flèches en pierre. Mais bon, pour un observateur extérieur, je dirais pas que c'est le trésor qu'ils attendraient. Pour vous, c'est quasiment un travail de policier scientifique parce que tout ça, ce sont des indices, ce sont des objets qui racontent finalement. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur le terrain, en fait, on est vraiment dans l'action. Et c'est petit à petit, en fait, nous, c'est ce qu'on a beaucoup aimé pendant ce tour, en fait, c'est qu'au contact des archéologues qu'on a interviewés, en fait, on prend un peu de recul et on comprend, en fait, justement, on met tous ces petits éléments. Et en fait, ce qui est génial, en fait, c'est que quand on participe à un chantier de fouilles, on se rend compte, en fait, que même l'archéologue qui dirige le chantier, il en sait pas forcément plus que nous à la base. Enfin, il a tout son bagage de connaissances, mais sur le site en question... Il va découvrir en même temps que nous. Et souvent, en fait, c'est en dialoguant qu'on va construire l'historique. Mais alors justement, Anne-Lise Bellé, parce que là, on voit vraiment votre travail dans ce carnet de terrain, mais le métier d'archéologue, ça n'est pas que ça, parce qu'entre l'objet qu'on va faire remonter à la surface, il y a tout un travail ensuite d'analyse, d'études du mobilier, de recul, justement. Et donc, il y a aussi une théorie qui doit être en train de se fabriquer, non ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle, dans les diverses phases, donc après la fouille, il y a ce qu'on appelle le post-fouille. On étudie en effet le mobilier, donc on va faire tout ce qui est typochronologie pour pouvoir recaler dans le temps. Donc là, vous êtes au bureau, hein, concrètement. En bibliothèque, oui, c'est ça, c'est plus en le terrain, labo, c'est plus le terrain, c'est différent. Mm-hmm. Et puis, il va falloir aussi aller comparer ce qu'on a trouvé, nous, sur notre site, avec ce qui a été trouvé ailleurs. Construire une connaissance à une échelle, une autre échelle, changer d'échelle et pouvoir mettre tout ça en perspective dans le temps long ou sur le territoire. Absolument. Alors sur ces cinq chantiers, quel est celui finalement qui vous laisse un souvenir un peu particulier? Parce que vous en avez bavé aussi, hein. C'est pas que l'été on va gratter et trouver des choses formidables, mais vous avez été dans la boue pendant un bout de temps aussi. Oh oui, il y a eu un beau passage dans les Vosges, on a passé 2 semaines sous la pluie. C'est ça. Oui, avec une bonne couche de terre partout sur nous. Le chantier qui nous a le plus marqué, c'est une question un peu compliquée. Chacun avait un peu leur particularité. Je pense que la grotte Mandrin, pour plein d'aspects humains et enfin du lieu et des découvertes qu'on a faites, mm-hmm. était très sympa. Quelle est l'époque alors exactement ? Préhistoire, ouais. Paléolithique moyen, donc vers 50 000 avant notre ère. Ouais. Voilà, qui à avouer, c'était une fouille un peu frustrante parce que moi, sur la couche où j'étais, je ne trouvais absolument rien. mais c'était très intéressant de découvrir cette nouvelle période que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Voilà. Marie, pour vous alors ? Alors, un souvenir de ce road movie archéologique. Un souvenir. Non, mais moi je reviendrai ouais, sur cette fouille à Lourès-Roche-Meunier près de Saumur. Justement, de se rendre compte de la monumentalité en fait qu'il pouvait y avoir à des périodes qui sont quand même très anciennes. Là, c'était le néolithique, donc ça remonte et de prendre conscience ouais, de ce que les hommes étaient capables de faire et de toutes les questions que ça pose en fait sur le fonctionnement de ces sociétés. Mmh. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de maison comme ça, quoi. Donc, on a des beaux immeubles, mais... des maisons de 50 mètres de long, c'est vrai que c'est plus rare. Oui, voilà, ah, oui. Oui, avec des troncs d'arbres comme poteaux, ouais. c'est... Ah, et puis surtout cette taille-là, ouais. il y avait des fosses de plus d'un mètre de diamètre, enfin ouais. un mètre on rentrait et demi. Dedans en entier, donc. Oui. En tout cas, ce guide de voyage nous propose vos récits, vos photos. Il y a des dessins, beaucoup d'anecdotes évidemment pour faire aimer peut-être à tous ceux qui ne connaîtraient pas ce métier. Eh bien, justement, ce travail d'archéologue s'appelle l'Archéotour, avec 5 étapes pendant l'été 2017, et c'est aux éditions Fedora. Merci beaucoup à toutes les deux. On passe à l'agenda. Bah, troisième Tour de France, d'ailleurs, peut-être, Sophie. Hein exactement. Deux rendez-vous seulement aujourd'hui à Melun, au musée de la Gendarmerie nationale, une exposition intitulée « Des animaux et des gendarmes, que croyez-vous savoir ?» À quel animaux pensez-vous, Mathieu, quand aux on gendarmes. Parle de... Oui. Quel animal ou quel animal associez-vous aux gendarmes? Ah bah tiens, Jamy. Je ne m'étais jamais posé la question, ça. Eh bien, moi, je... Le chien loup? Non, je pense à la mouche. Ah bon? Ouais. Le chien loup. Dites-nous ouais. pourquoi. Parce que la mouche est un insecte qu'on utilise en police scientifique. Voilà, bravo. Voilà. Effectivement, on pense au chien quand même, le chien des gendarmes, ben le oui. cheval. Moi, je pensais à un poisson, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi un le poisson du gendarme? Je sais pas, poisson gendarme. Ça sonne bien. Hein, pourquoi pas? En tout cas, dans cette exposition, il y a les figures classiques et puis il y a les plus insolites. Effectivement, les insectes, hein, la mouche, dromadaire, mulet, ours, éléphant, tous ces animaux. Vous avez croisé un gendarme oui, sur un mulet? Tissent des liens avec les gendarmes. Ne serait-ce que parfois, ces animaux sont menacés et qu'ils doivent être protégés par des gendarmes. Et parmi tous les animaux qu'on peut découvrir, eh bien, il y aura Zafara, la première girafe à avoir foulé le sol français, escortée par des gendarmes. Qui est arrivée à Marseille. Voilà. Donc, cette exposition est complétée par un cycle de conférences et Olivier Lebleu, historien et écrivain, nous parlera de Zafara le 20 avril prochain. Et donc, c'est au musée de la gendarmerie de Melun. À Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, retrouvez le chemin de la Grotte Chauvet. France Inter est partenaire de la toute première exposition temporaire des lions et des hommes. Et c'est une réussite parce qu'une fois qu'on est sorti du facsimilé de la grotte où on a vu les 80 lions dessinés, et je vous rappelle qu'à la Grotte Chauvet, il y a la moitié des lions de tout l'art pariétal mondial qui y sont représentés, et bien cette exposition permet de découvrir les relations particulières entre l'homme et les félins dans tous les endroits du monde, à toutes les époques. Il y a quelques pièces remarquables, notamment des petits ivoires de l'Orignacien qui ne sortent pratiquement jamais des collections. Ça vient d'ailleurs d'Allemagne, des statues égyptiennes, des masques du Ménin et le lionceau momifié sorti de la glace de Sibérie il y a 46 000 ans. Donc c'est à voir où ça, Sophie? À la Grotte Chauvet, voilà. À Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche. Merci jusqu'en beaucoup. Jusqu'en septembre. Et toutes les infos sont sur le site de La Tête au Carré. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez un très bon week-end. Merci d'être venu parmi merci nous. Mathieu. Merci à vous. Et c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Elisabeth Collet qui était à la technique et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.